What if you're traveling in the Knowles Country Fair? Why do we need TV on the borderline? Remember me, the one who lived there. She once was a true love of mine. What if you go where the snowflakes storm? Where the river freezes and summer ends? Please see if she's wearing a coat so warm to keep her from the warning wind. Candrice Grill, bonsoir. C'est fermé à cette heure-là. C'est Nat? Ah, d'accord, ok, je vais aller voir. Ok, d'accord, pas de problème. Ok, je vais regarder ça tout de suite. Allez, ciao, bisous, à tout à l'heure. Sorry, téléphone.